car dans toute ma vie je vois la main de Dieu et la raison de ma joie, le secret de tout cela, les consolateurs est avec moi. Il demeure. Alléluia, alléluia, il est avec moi. Je crois, je me réjouis, mais tes jours marchant sur les trois chemins, les consolateurs est avec moi. Il demeure, chaque jour, alléluia, il est avec moi. Moi, je ne sais jamais, marchant sur les trois chemins. Les consolateurs est avec moi. Je vivais dans le péché, n'ayant point de paix à moi. Jusqu'au jour où je comme un Jésus mourut à la croix, où je tombais. Il demeure, alléluia, il est avec moi. Je ne sais jamais, ma chance est de moi, le consolateur est avec moi, il demeure, alléluia, il est avec moi. Mon Dieu, je me réjouis, marchant sur les trois chemins, le consolateur est avec moi. Il est avec moi partout, et connaît tous mes soucis, je suis heureux et libre comme un oiseau. Jésus, le Saint-Esprit me contrôle, Jésus satisfait mon âme, le consolateur est avec mon Dieu, il demeure, alléluia, alléluia, il est avec moi. Je me réjouis, marchant sur les trois chemins, le consolateur est avec moi, il demeure, alléluia, il est avec moi. Je me réjouis, marchant sur les trois chemins, le consolateur est avec moi. Dieu bien-aimé, notre Père céleste, c'est avec humilité que nous nous approchons encore de ton trône. Croyant en tes promesses et certifié de ta présence qui ne fait jamais défaut. Nous venons à toi pour que tu nous accueilles, que tu bénisses notre réunion de ce soir, que la rende profitable pour chacun de nous. Il y a fait le déplacement pour se trouver et la prédication de l'évangile, qu'elle soit bénéfique à chaque auditeur, à chaque auditrice, à toute l'église de Dieu, dans le puissant nom de Jésus-Christ. inspire chacun de nous, de la chair jusqu'au dernier moment. Donne-nous l'amour de Dieu, cet amour parfait, qui est le lien de la perfection. Garde nos âmes près de toi, malgré les embûches de la terre, tous les dérangements de ce monde, toutes les forces d'incrédulité, les armes de démons. Seigneur, garde-nous près de toi, pour vaincre chaque jour et rendre gloire à ton nom. Dirige la prédication de la parole pour que la parole de vérité atteigne nos âmes et y produise ce que Dieu attend, le bon fruit de Dieu. Communie avec nous maintenant, Seigneur, autant que tu bénis les enfants de Dieu à travers le monde, tu peux être dans cet instant debout devant toi ou à genoux devant toi en adoration devant Dieu, en train d'écouter la parole d'une manière ou d'une autre. Seigneur, quand tu les bénis, bénis-nous aussi. Quand tu les visites, visite-nous aussi. Quand tu es omniprésent, que le Saint-Esprit qui sillonne l'univers et qui accomplit des merveilles, continue l'œuvre commencée par Jésus-Christ. Agrée le sacrifice de nos cœurs. C'est pourquoi nous sommes convaincus. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur dans Luc au chapitre 10, le verset 1 à 3. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Et il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Nasima namakambo oyo, nkolo aponaki ba mususu tukusambo. Mpe atindi bango, mi bale li bosonaye kati, Nambo kanyonso, nabisi kanyonso bilinga kie kokende. Alobina bango ete. Mbuma mingi iteli solo. Nde basali bazali mingi te. Nabongo bondela mkolo na bilanga ete. Atinda basali kubukela ye mbuma. Kenda na bino, tala. Nazali kotinda bino lokola bana na mpate ekati na bango mbolo. Luc chapitre 6, verset 6 à 12. Luka mokapo ya motoba, mulongo ya motoba kino zomi na mibale. Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Mais il connaissait leurs pensées. Et il dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi et tiens-toi là au milieu. Et il s'éleva et s'étend debout. Et Jésus leur dit, je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. Alors promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, étends ta main. Et il le fit et sa main fut guérie. Il fut rempli de fureur. Et ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Na sabata mususu akotaki na ye na nelompe alakisaki. Mpe moto moko asalaki wana loboko na ye na mobali ekaukaki. Bakomeli mpe bafalisai batengelaki ye kotala soko akobikisa ye na sabata ete bazwa nzela ya kofunda ye. Yende ayebaki makanisi na bango, mpe alobi na mobali oyo na loboko na kokauka ete telema na katikati, mpe atelemaki bongo. Yesu alobi na bango ete, natuna bino, ekoki kosala malamu na sabata, soko kosala mabe. Kubikisa bomoi ekoki, soki kobebisa yango. Esilaki ye kotala bango nyonso, alobaki na ye ete, sembola loboko na yo, asembolaki bongo mpe loboko na ye ebikaki. Bangonde ba tonda kina kandampe, basololona kisoko, bakosalela kaye solikambunini. Na mikolo yango, adimaki mpe, akenda kina ngomba mpona kobondela. Aumela kiwa na butu mobimba na kobonde la nzambe. De Timothée chapitre 4 verset 5. Batimote yami balé mokapo yami nei mulongo mitano. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. De Timothée 4 verset 5. Kasiyo omisenzela na makambo oyo. Oyamba okasiyo omisenzela na makambo oyo. Oyamba bolozi. Osala mosala na mopalanga lisango malamu okokisi lisusu mingi na nye. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nzambe apambola botangi no banaye. Ce soir au nom du Seigneur Jésus Christ. Mokukinde kovanda na komo na kolona bisusu. Souhaitons à chacun de vous bienvenue à la table. Tombe limo kona moko na bino boye malamu na mesa na kolo. Méditation de la parole secrète de Dieu. Na kobanza yeli no bana bule na nzambe. Et que Dieu vous bénisse. Zambe a pambola bino. Nous poursuivons notre sujet. Zali kokoba na mama na likambona biso. La deuxième commission de William Branham. Musala ya mibale ya William Branham. Notre précieux frère qui se repose dans la gloire. Ndeko na biso ali memia o zali ndeko pe matata ekina kepo. Dieu a puissamment utilisé selon son dessein. Zambe asalaki na ye na nguya mingi kotala kamongo na ye. Le message de réveil final aux gens de l'Afrique. Pona kubeba kasango ya bola muki ya suka na bato na mabuta. Un message de réveil prophétique. Sango ya bola muki pesa lo sakoli. Un message de préparation du retour de Jésus-Christ. Sango ya bobongisi ya bozo. De l'enlèvement de l'église de Dieu. Le message fait son chemin et nous devons connaître les choses de Dieu en rapport avec ce message. Nous ne devons pas faire semblant de les connaître, mais nous devons connaître les choses reliées à ce message, les vérités divines qui vont avec. Il est important de croire. Et que Dieu soit loué pour cela. Et parmi ces vérités divines qui vont de pair avec son message, je peux lire juste sans commenter abondamment. Dans les sermons, les âmes qui sont maintenant en prison. Le 10 novembre 1963, les âmes qui sont maintenant en prison. Du 10 novembre 1963, le paragraphe 116. Les ministères doivent être semblables. Les ministères doivent être semblables. C'est-à-dire, non pas les ministères des plusieurs serviteurs que Dieu a envoyés, mais le ministère que Jésus-Christ avait eu à exercer sur la terre. Et le ministère qui s'est exercé depuis les jours de la Pentecôte dans l'Église. Et le ministère qui devait être restauré en ce temps de la fin, au sein de l'Église. Donc, le ministère de Jésus-Christ dans son corps de chair. Et le ministère de Jésus-Christ dans son corps mystique, le corps spirituel, le corps de Christ. Ces ministères-là doivent être semblables. Démontrant qu'il s'agit de la même personnalité qui accomplit sa même œuvre. Okay, comme j'ai dit, je ne vais pas d'abord beaucoup commenter. Les ministères doivent être semblables. Au point qu'il a dit, je vois certains de vous inscrire les passages de l'Écriture dans Jean 14, verset 12. Ah, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Vous voyez, les œuvres, prêcher aux perdus, guérir les malades, et ensuite, ceux à qui il est impossible d'être sauvés. Voyez, l'œuvre a continué de la même manière. L'œuvre que Jésus-Christ faisait. Mais après son départ, au sein de l'église, l'œuvre a continué de la même manière. En accord avec le passage fondamental de Jean 14, verset 12. C'est lui qui croit en moi verra aussi les œuvres que je fais. Alors l'œuvre a continué de la même manière. Ainsi, ceci a-t-il été, puis-je le dire comme ceci, parmi les vérités qui vont de pair avec ce message. Vous bien comprenez, le ministère de Jésus-Christ s'est réincarné dans son église en ces derniers jours. Je répète, le ministère singulier de Jésus-Christ s'est réincarné dans son église en ces derniers jours. C'est ce que beaucoup de nous croient. On ne dit pas tous. Il peut y avoir des gens qui disent qu'ils sont de nôtre. Ils semblent marcher avec nous, ils semblent aussi frères et sœurs, les mêmes messages. Mais ils croient pas ça. Et parmi les vérités qui vont de pair avec ce message, des choses que toi, enfant de Dieu, dois connaître. Le ministère de Jésus-Christ s'est réincarné dans son église en ces derniers jours. C'est ce que beaucoup d'entre nous croient. Et vous, les frères Branham aussi, je les crois avec vous. Donc, beaucoup d'entre nous croient tu vas au tabernacle de chrétiens? Oh, même vous aussi vous croyez ça? Mais oui. Cette église aussi croit ça. Mais est-ce que frère Branham a prêché comme ça? Oui, frère Branham croyait aussi comme ça avec nous. Et le ministère de Jésus-Christ s'est réincarné dans son église en ces derniers jours. Non pas Jésus-Christ s'est réincarné, mais le ministère de Jésus-Christ. Quelqu'un était déjà prêt à confondre, hein? Le ministère, c'est le service, l'œuvre, le travail. Quand il a envoyé ses disciples, hein, là où il devait, lui-même physiquement aller, et que ceux-là sont partis, le Seigneur leur a dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Dans Matthieu 10, au verset 16, cela est valable pour les 12 apôtres. Et dans Luc chapitre 10, verset 3, la même vérité est valable pour les 70 autres disciples. Ça dit la même chose, mais ça ne concernait pas les mêmes personnes. Dans Matthieu 10, ça concernait les 12 apôtres. Et tous les disciples auxquels Jésus a donné le nom d'apôtres. Et il les a envoyés comme des agneaux au milieu de loups. Et il a ajouté, soyez simples comme des colombes. Et soyez prudents comme des serpents. S'il dit ça aux 12 apôtres. Plus tard ou après cela, il a envoyé encore 70 autres disciples, deux à deux. Dans tous les lieux où lui-même devait aller. Et ils sont partis sans lui physiquement. Mais l'œuvre qu'ils sont allés accomplir, nous l'avons entendu hier, c'était la même œuvre de Jésus-Christ. Dès qu'il a placé en eux, c'était une part de son propre ministère. Ce que lui-même devait faire, mais il a envoyé les disciples faire en son nom, à sa place. Et pour ce faire, il leur a doté d'un pouvoir. Voilà pourquoi qui s'est amour à faire ce qu'il a dit. D'une autorité. Bokonzi. Il les a équipés pour chasser les démons comme lui-même le faisait. Pour guérir toute infirmité comme lui-même le faisait. Pour guérir toute maladie comme lui-même le faisait. Pour purifier les lépreux comme lui-même le faisait. Pour ressusciter les morts comme lui-même le faisait. C'était la même œuvre ou les mêmes œuvres. Le même ministère de Jésus. Et pour prouver davantage qu'ils sont allés sans lui physiquement, ils sont allés là où lui-même devait aller, mais où il n'est pas allé. Donc ils y sont allés comme les envoyés du Seigneur, comme les ambassadeurs de Christ, dotés de son pouvoir, d'agir et parler en son nom. Et lui n'était pas physiquement là. Je disais que pour le prouver davantage, qu'est-ce qui s'est passé après avoir achevé leur mission? Ils sont revenus faire rapport au Seigneur. Ils sont venus le retrouver là où ils l'avaient laissé. Ce qui veut dire que lui-même n'était pas là-bas. Mais son ministère est déplacé en eux. Est-ce que c'est clair? C'est clair pour tout le monde. Jésus-Christ n'était pas là physiquement partout où ils sont allés. Mais son ministère a été incarné en eux. Donc ce n'était pas l'incarnation de la personne de Jésus-Christ. Donc il est question dans ce paragraphe, mais il est question de l'incarnation du ministère de Jésus-Christ. Et cela n'est pas tout nouveau, Dieu a eu déjà à le faire. Relisons l'Église. Au verset 1er. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Et il les envoya deux à deux. Devant lui. Dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Lui-même c'était lui-même. Mais ses disciples n'étaient pas lui-même. Ses disciples étaient d'autres personnes que lui envoyait. Et il dit verset 3, partez. Non pas allons. Alors, comme si lui-même était la physique. Il dit l'ordre, partez. Lui le Seigneur envoie des serviteurs. Ok, partez. Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu de nous. Béni soit le Seigneur. Il dit au verset 8 et 9, dans quelques villes que vous entriez et où l'on vous recevra. Non pas où l'on nous recevra. Lui était resté. Mais donne des directives. Là où vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront. Et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. soki bokokota na mboka nini pe bakoyangela bino liya biloko bikotia bango liboso na bino pe bikisa babeli kati na mboka yango voyez lo bana bango ete bokonzi na nzambe esili kobele mana bino. Vous voyez clairement ce qui est dit? Là où l'on va vous recevoir, mangez ce que vous serez là présenté. Ne commencez pas à dire, nous on ne mange pas les serpents. Nous, dans notre côté, on ne mange pas ceci. Vous allez au nom du Seigneur, mangez ce que vous serez là présenté. Amen. Il n'y a pas de caprice à l'œuvre de Dieu. Hein? Non, on monite au cœur et bisika mon soumission. Ma pêche yoga est toko et ton libi c'est quoi? Tu vas dire quoi? C'est quoi côté à Zonga c'est côté outil. Au champ missionnaire, il y a plein de réalités. Quand on y va, c'est à la guerre comme à la guerre. Il n'y a pas de caprice et de exigence. Il y a seulement la prudence, hein? Et la simplicité. Comme le Seigneur lui-même l'a commandé. Oh, c'est pour ça que nous devons prier pour des missionnaires. Parce qu'ils sont exposés à tout. Avec ce monde plein de méchants et d'hypocrites. Comme le monde religieux plein de méchants et d'hypocrites. Il faut que la grâce de Dieu soit sur ses serviteurs. Et c'est notre devoir de prier pour eux. Ne l'oubliez pas. Pensons-y. Voyez. Mais il les a envoyés là. Il a dit ce qu'il devait faire. Et parmi les choses qu'il devait dire et aussi à leur tour, il est clair, le royaume de Dieu s'est approché de nous. Or si nous faisons une parenthèse là, pour voir qui était le premier à dire cela avant eux. Voyez, dans Marc chapitre 1, verset 14 et 15, après que Jean eut été livré, gardez la phrase de l'église parce qu'on y revient tantôt. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, lui qui a dit aux disciples, aux 70 disciples, bénis. Mais avant de leur dire d'aller dire ce qu'il devait dire là, lui-même disait au commencement de son ministère, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez la bonne nouvelle. Dans les choses que Jésus disait dans son propre ministère, la première phrase et la dernière phrase de ce verset 15, dans les choses que Jésus lui-même disait dans son propre ministère, il disait que le royaume de Dieu est proche. Et dans les choses qu'il a chargées ses 70 disciples d'aller dire dans leur ministère, c'est de dire aux gens que le royaume de Dieu s'est approché. Le royaume de Dieu est proche, dit Jésus. Le royaume de Dieu s'est approché, disent les disciples envoyés par Jésus. Jésus, là où il se présentait, il disait ça. Maintenant, là où Jésus a envoyé ses disciples en son nom, il leur a chargé de dire la même chose que lui disait. Vous voyez qu'en termes d'œuvre, et même en termes de parole, c'est le même ministère, la parole qui devait être dite, c'est la même parole que Jésus disait. Mais ses disciples sont allés les dire en son absence. Lui est resté là où il est. Alors nous revenons dans le chapitre 10. Il est écrit ceci. Verset 17. Les 70 revinrent avec joie. Revinrent. Donc ils sont revenus vers leur Seigneur Jésus qui les avait envoyés, qui les avait mandatés. Ils revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Balobaki ata nkolo ataku milimu mabeyi batosi biso pona komona yo. C'est le compte rendu. Wana bapesi lopolo. C'est le rapport de mission. Lopolo le musala. Des disciples fidèles. Bayekoli wa yasembu. Qui sont allés faire loyalement ce que leur maître leur avait commandé d'aller faire. Bakeme kosala na botosi nyonso oyo nkolo na bango asengeki na bango basala. Est-ce que vous réalisez que c'est parfait? Que Dieu soit loué. Et il faut que ce même ministère se poursuive. Alors quand il s'agissait de 12 apôtres, ils étaient des envoyés ayant un ministère identifié. Et c'est lui qui a identifié son ministère. Mais l'un d'eux a trahi. Vous connaissez de qui il s'agit, Judas Iscariot. Mais il fallait le remplacer. Et quand on devait le remplacer, parmi les conditions qui étaient posées, dans Actes des Apôtres au chapitre 1, l'Écriture dit ceci. Actes 1, verset 15. À 17. Il est dit ceci. Et après nous lirons le verset 21. En ces jours-là, Pierre s'éleva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies était d'environ 120. Et il dit. Natango yango petolo atelemaki na kati na bandeko. Batona esika yango bazalaki soko bato mokama na tukumi balempe alobi eti. Homme frère, il fallait que s'accomplisse que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas. Alors, mi bandeko, et quoi qui était ma komima kokisama, oye mouli monsantu, alors bakil boso, na monokonada ou di nantina yayuda, mokambi na bongo, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Mokambi na bango oyo bakangaki Yesu. Il était compté parmi nous, écoutez, okay. Et il avait part au même ministère. Même Judas, il n'avait pas part à un autre ministère. En qualité d'apôtre désigné par le Seigneur, il avait part au même ministère. Je suis que Barthélemy, Matthieu, ainsi de suite, les 12 apôtres. Il avait part à quoi? Et ça, nous sommes à la veille de la Pentecôte. Le même ministère mentionné. C'est-à-dire le même ministère qu'avait exercé Jésus-Christ. Et auquel il a rendu participants ses 12 apôtres. En plaçant en eux une part de son ministère. Judas était de ce nombre-là. Et la Bible certifie qu'il avait part au même ministère Jésus. Ok. Plus loin. Au verset 21, comme je l'ai dit. Parce qu'il fallait les remplacer. Verset 21 à 22. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps, que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême des gens, jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en a eu un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Na bongo kati na mibali basangani na biso na tangu nyonso ezalaki nkolo Yesu kokota mpe kobima na biso banda na mibati na Yohana kino na mokolo yango elembaki Yesu na kati na biso lisusu ekoki ete Moko na bango akoma motatoli na liseko na ye esika moko na biso. Donc il fallait remplacer le traître. Et ça n'est que bazonge la mutabilo mimi bale mokosi oyo. Qui avait abandonné son ministre dans lequel Dieu l'a rendu participant. Yo etikati musala oyo nzamba komisa ki eteza la moko kati na musala yango pour aller dans son propre lieu. Bona kokende na esiko ya ye moko. Il dit ceci. Quand, dans la prière, on a présenté deux personnes, Matthias et Barzaba. Verset 20, 24 et 25. Puis ils firent cette prière, Seigneur, toi qui connais les cœurs, désigne lequel de ces deux tu as choisi. Suivez le verset 25. Afin qu'il aille pas. Donc, la part ministérielle délaissée par Judas devait être occupée par son remplaçant. Et eux demandent au Seigneur qui connaît le cœur de tous de conclure ses choix, de faire la sélection, pour que cet homme-là qui sera désigné, qu'il aille pas à ce ministère. Combien de ministères? Singulier. C'est le même ministère de Jésus-Christ. Afin qu'il aille pas à ce ministère. Et à cet apostolat. Que Judas a abandonné pour aller en son lieu. L'un a abandonné et l'autre devait récupérer, remplacer. C'était un ministère de Jésus-Christ et l'apostolat de Jésus-Christ. Vous dites amen. Est-ce que Jésus était dans l'apostolat? Vous le savez fort bien. Ici dans Hébreux au chapitre 3. Le verset 1, c'est pourquoi frère saint, qui avait part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous confessons. Jésus. Jésus. Nabongo bande kubabulami, ba o ba sangani, na kobianga manalikolo, boche la yesu motema. Peut-être que vous n'avez pas directement part au ministère qu'avait Jésus-Christ. Par un appel direct au ministère. De la prédication de l'évangile. Mais vous avez part à la vocation céleste. Le Dieu qui a envoyé Jésus-Christ. Et qui a ensuite envoyé ses apôtres, il ne les a pas envoyés en vain. Il les a envoyés prêcher la repentance. Pour attirer les âmes dans le royaume de Dieu. Pour amener le converti à Christ. Et tout ce qui écoute l'appel de Dieu pour croire et recevoir la vie éternelle, ils sont par à la vocation céleste. L'appel de Dieu pour la vie éternelle et non pas l'appel de Dieu pour le ministère de la parole. C'est deux choses différentes. Moi, votre père, j'avais été appelé d'abord à la vie éternelle. D'entendre l'évangile, croire, être baptisé comme chrétien au nom de Jésus-Christ. Je n'avais en sautant-là ni idée, ni ambition qu'un jour je pourrais être un prédicateur loin de mes passés. Mais j'ai été un frère assidu à l'église. Croyant et défenseur de vérité, le peuple que je connaissais. Je n'aimais pas de compromis. Nous aimons la vérité et la soutenir partout. Jusqu'à sacrifier de nuits entières. vous parlez des affaires du Père Céleste. Entre frères, ça on l'a fait. Mais on n'était pas prédicateur. Nous étions assidus à l'église. Nous aimions la parole, l'évangile. Nous étions gênés pour encourager les frères. Là, on n'envoie pas un à l'église. On programme une visite pour les chercher. Si vous commencez à pencher rétrograder, mais nous passons du temps là-bas pour les réchauffer. Au point que lui-même devait être confus. Et mon frère, ben, il va vraiment soigner tous les arguments fouillés. Reprends le chemin de l'église. Frère, il y a un ciel à gagner, il y a une affaire à sauter. Aimons-nous les uns les autres. Ne laissez jamais votre frère, votre soeur se perdre. Portons-nous à cœur. Et allons les uns vers les autres. Ça, c'est juste un lieu d'entraînement et de formation. La pratique, c'est ce que nous vivons à la cité tous les jours. Si on veut savoir si tu es chrétien ou pas, c'est bien peu probable que nous puissions considérer juste ta fréquentation de l'église. On doit voir quelle vie tu mènes là-bas dehors. Est-ce que tu visites tes frères? Tu pries avec eux? La pratique, c'est là où vous vivez à la cité. Le Seigneur a dit que votre lumière luit dans les ténèbres. Et c'est même là que vos témoignages doivent abonder. Vous dites, ici à l'église, il faut que mon témoignage passe à l'église. Oui, c'est bien. Le frère Branham dit, le Seigneur a dit que votre lumière luit dans les ténèbres. L'église où nous pouvons nous rassembler, ce n'est pas ça les ténèbres. Les ténèbres sont dehors, en dehors de l'église. C'est là que votre lumière doit briller. Mais quand nous venons ici, l'essentiel c'est la parole. Le temps est limité. Parole, allez, que Dieu vous bénisse, mon épouse. Là, la cité, pratique sur pratique. Démonstration. Amen. Est-ce que vous aimez? Nous aimons cette manière de faire les choses. Que Dieu aide chacun de nous à pouvoir réussir cela. Nous avons part à la vocation céleste. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui vous a appelé? Nous appelons à la foi, qui vous a appelé à la repentance, qui vous a appelé à recevoir la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ le Fils de Dieu. Si ce n'est pas le cas, vous serez indifférent de la suite. Mais Paul dit aux Hébreux, c'est pourquoi frère saint, qui avait part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain serviteur de la foi que nous confessons. Na bongo bande probabulami. Bawe basangani na kopiangama na likolo. Boche la Yesu motema. Yen toma pe nganga monene na yambweli na biso. Et dans Ephésiens chapitre 4 verset 1. Na ba Ephésiens mokapo ya mine mulongo ya biso. Et 2. Je vous exhorte donc, moi prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Ceci concerne tout fidèle, tout frère, toute sœur. Oui, vous allez contaler l'un de connu, ce boy, n'a pas eu quand même pas un colo. N'a pas l'idée de colombe, bino été. Bon, tant pour l'enfer, mon pana est bien, elle est bien, gami, bino, n'a rien. En parlant de la vocation, s'il ne s'agit pas de l'appel au ministère de prédication. Et vous savez que Frère Branham l'a dit, tout le monde ne veut pas être prédicateur. Mais on est appelé à ça. Et il faut un appel particulier pour le ministère. Le ministère de la parole, le ministère de la prédication de l'évangile. Ça, il faut un autre appel. L'appel au ministère. Mais ici, il s'agit de la vocation céleste. Où Dieu veut constituer son église. Opposé d'hommes et de femmes, croyants de la parole. Les gens qui se sont repentis, qui sont morts à eux-mêmes, qui veulent naître de nouveau, qui croient l'évangile jusque dans l'éternité. C'est une sainte vocation à vivre d'une manière sainte. Et nous sommes exhortés à marcher d'une manière digne de cela. Donc, quand Dieu vous a appelé, quand Dieu appelle, il vous sépare. Quand Dieu a appelé Abraham, il l'a séparé. Quand Dieu a appelé Lot à quitter Sodome et Gomorrhe, il l'a séparé de Sodome. Quand Dieu t'appelle à recevoir la vie éternelle, il te sépare de tes amis pécheurs et pécheresses. Séparation! Ça veut dire séparation totale! Mais quand vous continuez à vous accrocher à ces païens, et continuent à s'accrocher à vous, sauf votre foi. Donc en réalité, vous avez encore la même nature que. La Bible dit que si vous étiez le monde vous aimerait, car il aimerait ce qui est à lui, ce qui lui ressent. Mais quand l'amour de Dieu entre dedans de vous, ça met de l'inimitié contre les choses du monde et contre le monde lui-même, et ceux-là du monde vous tiendront pour ennemis presque. La vocation de Dieu nous sépare. Est-ce que toi tu as été séparé de qui et de quoi? Toi frère, toi jeune homme, toi sœur, toi jeune fille, que tu as été séparé. De quoi et de qui? Mais si le Seigneur vous a adressé cette vocation, il est le Dieu de la séparation. Depuis le commencement, il s'est dévoilé comme ça. Genèse 1, verset 3, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut, et Dieu sépare la lumière avec le ténèbre. Il est celui qui sépare la foi d'avec l'incrédulité. Il sépare le mal d'avec le bien. Il sépare le péché d'avec la justice. Il sépare la méchanceté d'avec la bonté. Dieu n'est pas un mélangeur. Il est un séparateur. Et s'il vous a appelé, il vous a adressé sa sainte vocation. Et alors, il vous a séparé. Et vérifiez maintenant dans les concrets. Êtes-vous séparé? Marchez d'une manière digne de la vocation. Vous êtes devenu chrétien, mais que votre vie et votre marche reflètent cela. Et vous n'allez pas créer des histoires aux gens. Mais vous vivrez en leur présence et face à eux la vie que l'évangile vous exige. Et quand vous le ferez, eux-mêmes prendront des distances. Par exemple, nous ne croyons pas aux fêtes d'anniversaire. Amen. Bon. Quand ils font leurs histoires là, vous n'êtes pas là. Vous pensez que demain, après demain, ils vont persister à vous attirer là-bas? Ils comprendront votre position. Mais vous n'êtes pas comme eux. Mais quand c'est toi qui dis croyant des messages, mais tu es toujours fidèle et dégâteau d'anniversaire, tu n'as raté aucune occasion. Et tu fais des cérémonies autour des gâteaux avec un petit couteau et la fourchette pour que les gens acclament et poussent les cris d'allégresse. Et ça, tu ne veux jamais rater. Ça veut dire que le vieil homme vit encore. Même les autres dehors verront, oh, miséricorde, miséricorde, que Dieu nous aide. Ils voudront partager la même nature que vous. Si eux fument la cigarette, et toi aussi tu fumes. Et ils prennent la boisson alcoolique, toi aussi tu bois. Mais en quoi est-ce que tu es séparé? Tu ne vois pas que tu es toujours là dans le monde. Maintenant, ils me vont dire, mais vous parlez de l'enlèvement, que Dieu va vous enlever au ciel? Y compris toi? Na yo. La Bible dit que considérez ce Jésus-là. Il convenait d'avoir un sacrificateur comme lui. Il était séparé des pécheurs. Hébreux chapitre 7. L'Écriture dit ceci au verset 26. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui. Saint. Est-ce que toi tu es saint? Est-ce que tes amis là qui te voient, ils peuvent dire que tu es saint? Les gens avec lesquels tu marches, avec lesquels tu parles, les langages compliqués. C'est un frère qui dit comme ça. Pesangaborwana. Oui, ça n'a pas moto. Waya, pamba, pamba. C'est quoi ça? Un frère qui parle comme les incrédules. Langage de Kawaba, bord, n'a pas trick. C'est toujours les bords et les tricks qui sont remplis dans sa bouche là-bas. Mais c'est pas normal. Toi tu es une chambre de frère. Et dans l'église, tu es un frère ou un frère pour la marche de l'évangile. Un frère, un grand frère. Langage à bord, au lingotigati. Talakma. Yé à Kangagabama en Ninawati. Les boutons de sa chemise. C'est toujours retroussé. Ah ou même l'école pour redresser l'école. Non. Chemise collée, télémagali, debout. Azoa kepi, on a roulé ses chapeaux, au lieu de mettre dans la position normale, à gozoa, tête n'angoué, t'es gamin ou pas dit, toi qui ici m'abouna. Donc tout est toujours perverti. Quel genre de frère? Quel genre de frère toi tu es? Et puis toi tu vas dire que tu es une sœur, va verni na manzaka, ou tigagati, rouge à lèvres, n'a pas brillant, va fond de teint, et toi tu es l'once. Maintenant, on va demander, est-ce que toi aussi tu es saint? Hypocrite. Tu ne peux pas tromper ta conscience. Si c'est ce que tu fais, arrêtez de commettre les péchés. Si quelqu'un aime le monde ou les choses qui sont dans le monde, l'amour de Dieu est bien pour lui. Allez, dites amen, frère. Dites amen, frère. Et ça me fait Dieu te voit et Dieu te connaît. Zambé, soyez ce que vous êtes. Répentez-vous. Donc, batanga bastado, batanga peyo. Langage à bord, ou lingo tigate, colata de brayer, ou lingo tigate, yayo chemise, babutou se gangamakate. Oh! Un frère, moutou passi. Non, frère. Rendez-nous la tâche facile. La parole prêchée pour être crue et appliquée. Amen, amen. On ne doit pas être derrière toi chaque jour. Oh frère, tika bâché de cartes, j'ai des 6. Oh moto batika. Yo kaka kuna na bâché des 6. Yo na lisano moto. J'ai des dames koutou. Yo ne yébi ko bête ma tonako pas à bâché. Ce qu'on m'a dit, on gagner yo, allez où? Mélangez ma pionou. Et ça c'est un frère. Wana de bouillon. De j'ai des scrabbles, yo tika la simate. Kaka kuna. C'est faux? C'est faux et archi-faux. Un frère ne se livre pas au loisir du monde. Ah, que Dieu bénisse qui ont dit amen. Saint, innocent, Et toi, quand on t'accuse, es-tu réellement innocent? Ne suis pas coupable de quelque chose? Mais fais-toi pour être innocent. Que tu sois irréprochable devant Dieu et les hommes. C'est bien possible sur la terre ici. Grâce à Jésus qui libère entièrement. Il était saint, innocent, notre divin modèle. L'exemple suivant. Sans tâche. Séparé des pécheurs. C'est ça. Et plus élevé que les cieux. Moi, je ne te demande pas d'être plus élevé que les cieux, mais au moins tu peux être séparé des pécheurs. Et si nous confessons être croyants, nous confessons avoir la foi, sachez que ça ne commence pas par nous. Jésus-Christ, il est l'apôtre de cette foi-là. C'est lui qui l'a introduit dans ce monde ici, dans les habitants du monde. C'est lui, Jésus-Christ, qui a introduit cette foi-là. Il avait l'apôtre et le souverain. Il est le modèle parfait. Il est saint, innocent, sans tâche, séparé des pécheurs. Toi aussi, sois de même. Soyez. Comme Dieu votre Père Céleste. Et Jésus qui vous sanctifie est ici du Père. C'est lui qui sanctifie. Et ceux qui sont sanctifiés sont tous ici dans ça. Nous croyons ça. Soyez innocents. Dans le sang de Jésus-Christ. Confessez chaque fois vos péchés. Répentez-vous-en immédiatement. Et le nom dit que dès que vous vous répentez, Dieu vous a déjà pardonné. Il jette ses péchés dans la mer de l'oubli et les considère comme n'ayant jamais existé. Il ne viendra plus jamais à la mémoire de Dieu. C'est effacé pour l'éternité. La puissance du pardon de Dieu. Il vous rend innocent. Et par là, il vous a justifié. Il vous considère injuste là où vous avez été coupable. Donc, nous devons être innocents. Devant Dieu d'abord et devant les hommes ensuite. Ne soyons en scandale ni à l'église, ni au grec, ni aux juifs. C'est la Bible qui le dit. 1 Corinthiens 10:32. Nous ne devons scandaliser ni les juifs, ni les grecs, ni l'église de Dieu. Soyons exemplaires et modèles. Faisons ce que la parole nous a dit de faire. Mais si les hommes s'imaginent notre condamnation en inventant des motifs n'importe lesquels, laissez-vous tranquille parce que Dieu est votre défenseur. Dieu vous juge en vertu de sa vérité. Mais les hommes vous jugent en vertu de fiction, de mythes, d'imagination et de faux sentiments. Ce sont des juges imparfaits. Leur jugement n'est pas le final. Sentez-vous coupable quand vous avez transgressé la parole? Sentez-vous interpellé quand vous avez défié de la vérité? Mais si ce que vous faites est conforme à la parole, même si les hommes vous rabâchent les oreilles, soyez ferme dans votre position. Défendez l'évangile avec foi. Qui dit amen à la vérité? Qu'il en soit ici, je l'ai dit aussi. Alors Jésus est le souverain sacrificateur et l'apôtre de la foi. Donc il était dans l'apostolat. Et son apostolat Il n'a pas voulu les garder pour lui tout seul. Mais il a pris ses croyants, ses disciples qu'il avait appelés, qui avaient obéi à sa vocation. Et il les a rendus participants de son ministère de Jésus-Christ et de son apostolat. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est clair? Et son apostolat, ce n'est pas lui-même. Lui-même, c'est lui-même. Alors je vous invite, je reviens dans la citation que je lisais. Donc, les âmes qui sont maintenant en prison. Alors, c'était au paragraphe 116. Cette prédication a été prêchée qu'une seule fois. Après tout, même si je ne donne pas la date, c'est le seul titre que nous avons. Alors, puis-je le dire comme ceci? Le ministère de Jésus-Christ s'est réincarné dans son église en ces derniers jours. Tabernacle chrétien, croyez-vous ça? Est-ce que ça veut dire que l'homme physique Jésus-Christ est venu se réincarner dans des gens? Non. C'est ce que beaucoup de nous croient. Et Frère Branham a dit, je le crois avec vous. Alors, la pensée de la réincarnation du ministère de Jésus-Christ doit être comprise correctement sur base des Écritures, comme on vient de l'exposer, et non pas sur base des interprétations des gens mal intentionnés. Jésus-Christ ne peut pas se réincarner physiquement dans des gens. Lui, il est lui, il a un corps et son corps est le corps de Dieu. Mais s'il entre dans les gens, c'est un esprit. C'est son esprit qu'il prend, il subdivise en portions, il donne à chacun une portion. Mais son corps reste exclusif. C'est son corps à lui seul. Et ce corps-là était divinement créé. Emmanuel, Dieu parmi nous, était le corps de Dieu. Alors, le corps de frère David, c'est le corps de frère David. Quelle que soit la manière dont Dieu fait le wind et l'utiliser puissamment. Le corps de frère Branham, c'est le corps de frère Branham. Quelle que soit la manière dont Dieu fait le wind et l'utiliser puissamment. Le corps de l'apôtre Paul, c'est le corps de l'apôtre Paul. Quelle que soit l'onction et le grand ministère qui pouvait avoir. Le corps de Jean-Baptiste était le corps de Jean-Baptiste. Quelle que soit la grandeur que Dieu lui a reconnue. Mais le corps de Jésus-Christ est le corps de Dieu, notre Sauveur. Amen. Il est le seul Emmanuel. Dieu parmi nous, physiquement. Les autres sont ses serviteurs et ses envoyés. Attention à l'idolâtrie. En Jean 5, il est dit ceci au verset 19 à 20. On peut même le lire, vous le savez. Pour nous abstenir des idoles et de l'idolâtrie. Et ça vient sous forme de semences, de sangoumas, à inoculer ici et puis après l'autre encore. Et puis à un moment, on est loin. En Jean chapitre 5, vous le connaissez bien, ce sont des vérités élémentaires du message. Oh, c'est vrai. Nous prenons le verset 19 à 21. Nous savons que nous sommes des dieux. Amen. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Dieu nous distingue déjà là. Il nous a séparés du monde. Il fait de nous ce genre à lui. Sous sa puissance, sous sa conduite, sous sa protection immédiate, sous sa bonne garde. Il laisse le reste du monde sous la puissance du malin. Dieu nous a distingués. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il a, nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen, amen. Tu y as une dette. Moi, je n'en ai pas à ce qu'il y a. Peut-être que ce qui est ma vie, c'est que tu y as un peu. Tu as un peu de na oyo na solo. Kati na moi, na na ye, Yesu Kristo. Yewana, nzambe na solo mpe, bomoyi na seko. Verset 21, petits enfants, gardez-vous des idoles. Quand on vous présentera un autre Dieu, que Jésus-Christ, Dieu devenu homme, c'est l'idolâtrie. Il y a même des individus, mais je ne sais même pas, ils sortent de quelle forêt. Ils racontent aux gens que le corps de Jésus-Christ n'existe plus. Oh, il s'est dilué dans la colonne de feu. Et le nouveau corps de Jésus-Christ s'appelle William Marion Branham. Je me demande ces individus-là s'ils sortent de quelle forêt. Comment on peut être si méchant et ignorant pour tromper les gens comme ça? Ponanini kanzaboye. Okosabatu. C'est comme quelqu'un a dit au Congo RDC, la méchanceté est devenue comme un métier. Le Congo mutu mon kalo bakete awa na Congo. Motema mabe et communauté musala. Motema mabe na Congo. La muga azungende. Musala na butu moyi ki motema mabe. Motema mabe na. Voilà l'exemple des individus comme ça. Ce sont des méchants. Le corps de Jésus-Christ existe encore. Et ce corps-là existera pour l'éternité. Et ce corps-là qui reviendra pour enlever l'église. Mais maintenant, on doit commencer à le nier systématiquement. Oh, d'ailleurs, le nouveau nom de Jésus, c'est William Branham. Nous autres, on a eu les a rajoutés. Maintenant, oh, il y a maintenant alors les acquis. Et que les anges ont dit, Jésus-là reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. C'était quoi? Frère, il faut que tu commences à m'abé. Amen. On a dit, si vous êtes incapable d'aider les gens, empêchez-vous quand même de les nuire. Nous devons nous repentir. Les gens du monde doivent se repentir. Et même le monde des églises est plein de méchants pareils. Vous n'avez même pas pitié des âmes pour lesquelles le Seigneur est allé mourir à la croix. Vous allez les raconter de force avec beaucoup d'audace. Voire même des menaces. Ou si vous ne croyez pas ça, vous irez en faire. Mais quoi? Un gros mensonge. Non. Bon côté. Oyo, Isaac, comme motin d'ami, à diable le méchant. Pour aller juste détruire les âmes et leur donner de fausses assurances que vous serez sauvés. Vous irez au ciel. Mais sans la vérité, c'est impossible. Que Dieu nous garde. Que Dieu te garde de malveillance pareille. De ce genre de méchanceté. Sans frère. Sommes-nous là? Alors, je poursuis la citation. Le ministère de Jésus-Christ est réincarné dans son église en ces derniers jours. C'est ce que beaucoup d'entre nous croient. Je le crois avec vous. Je crois ici. Si ce n'était pas le cas, je ferai quelque chose d'autre à ce sujet. Parce qu'après tout, c'est moi qui suis concerné dans ceci. En parlant de cette réincarnation du ministère de Jésus-Christ à ces derniers jours, après tout, c'est moi, William Branham, qui suis concerné en ceci. Na poloba karantine ya kozangi samali susu ya musala ya nkolo na biso Yesu Kristo kati na ikeleze la ye na koloba bongo ngai ya marombra nam ndabu tukutu likamboye taleli quand vous le croyez comme ça, papa ni mibongo, moi aussi je le crois avec vous. Na fali ko ni mango ile ngona, parce que si je ne le croyais pas comme ça, ça kinen di makaya mo bongo te, je ferai autre chose à ce sujet na ninga ko sala kale ko musu, parce que après tout, fete na simana nyo cette croyance là, ko ni mawo wana de croire que le ministère de Jésus-Christ, ko ni mette musala na Yesu Kristo réincarné dans ce dernier jour dans son église, na mikolo na ikale, après tout c'est moi qui suis concerné na simana nyo so ngai nde mutu likamwe taleli. J'espère que tu as une idée. La canicité, vous en avez canicité. Sans basculer vers l'idolâtrie. Et la fausse doctrine. Mais garder la vérité à la juste place. Et que ce soit le mot de la Sikanango. Donc, le Branham est concerné dans ce. Et le Branham, le Cambo est allié. Ne l'excluez pas. Bon, on va aller dans le Cambo. Oui. Ne l'excluez pas, mais il est concerné dans ce. Bon, on va aller dans le Cambo. Il est allié. Et si l'Esprit de Dieu est en vous, vous serez inquiet au sujet des gens. Vous serez préoccupé par la condition du peuple. Si l'Esprit de Dieu est en vous. N'est-ce pas vrai? Amen. Au sein, on aime. Vous comprenez que Jésus-Christ avait un ministère et un apostolat auquel il a rendu participants. Les 12 apôtres. Et quand l'un d'eux a trahi, il a fallu qu'il soit remplacé, qu'il n'aille pas, qu'il récupère la part ministérielle, la part d'apostolat que Judas avait abandonné. Amen. Mais c'est Jésus-Christ qui a donné ses capacités aux gens. Et ça, nous l'aimons. Bongo, écoutez maintenant dans le sermon, n'ayez pas peur. Prêchez le 20 juin 1962. N'ayez pas peur. Ça a été prêché plusieurs fois, il faut donner la date. Alors, c'était prêché le 20 juin 1962 à Southgate. Southgate. En Californie, États-Unis d'Amérique. Paragraphe 94. Je crois que le Seigneur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Toi aussi, non? Je crois qu'il est ici maintenant. Est-ce que c'est physiquement? Quand il dit, je crois qu'il est ici maintenant, il est le même et qu'il est ici maintenant. Il s'agit de son corps physique dans l'église? Non. Je dois vous lâcher à l'occasion une autre vérité qui va de pair avec ce message. Mais vous devez regarder comme fondamental. C'est ce que dit Frère Branham dans la prédication L'âge de l'église d'Éphèse. Il dit ceci. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Il y a un enseignement qui circule. Qui dit que Jésus-Christ est physiquement sur la terre maintenant. Et qu'il apparaît, il va dans des endroits et des choses comme ça. Et le prophète dit, laissez-moi vous dire que c'est un mensonge. Et Et nous, nous croyons comme lui que c'est un mensonge qu'il dit. Il ajoute menacé. Vous devez garder vraiment dans votre âme précieusement. Jésus-Christ ne mettra jamais son pied sur cette terre. Amen, amen, amen. Tant que l'enlèvement de l'église n'a pas encore eu lieu. Amen. Et que le festin des noces n'est pas encore terminé au ciel. Amen. Alors, bien, c'est Jésus-Christ, c'est où Boutawan. Les tamba na ye konya tamba belo ya tamu kolomo kote ni boso na nu koneto la ma esalema pa elambo ya mwana na pate kuna likolo na nu esila te ya konya tawati. Alors quand il est dit qu'il est le même hier aujourd'hui, c'est la vérité. So pa le bete solo lenga mo kolobi le lope libera libere zali de solo. Et quand on dit qu'il est ici maintenant, so ke lo bete, c'est un esprit qu'il est ici. So ke lo bete zali l'esprit de Jésus-Christ est ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Et il a dit, je serai avec vous et même en vous. Et en tant qu'esprit, car le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Alors, je crois que le Seigneur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je crois qu'il est ici maintenant. Je crois qu'il est la rose de Saron. Le lys de la vallée. L'étoile du matin. Je crois qu'il est ici aujourd'hui. Apparaissant parmi les gens. Leur montrant que la fin est proche. Et que bientôt il va venir pour enlever l'église. Oyogi Frazo. Yoka. Je crois qu'il est ici aujourd'hui. Apparaissant parmi les gens. Leur montrant que la fin est proche. Et que bientôt, il va venir pour enlever l'église. On a connaître l'église. De quoi s'agit-il ici? Il est ici, apparaissant, oui. Montrant que la fin est proche. Mais que bientôt, il va venir. De quelle forme il s'agit? Il est ici et il apparaît, c'est le Saint-Esprit qui manifeste les signes de sa présence. Hein? Allant jusqu'à montrer les traits de sa personne. Azali, physiquement, il doit rester là-bas. La Bible dit qu'il doit rester au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Amen. Dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autres fois. Amen. Na bongo sok barobi azali au. Ingi korobete azali nde muli musantu na ye. Oyo azali kumoni sabilembo. Peko tali satabo moto na ye. Kasi Biblia nde sila korobete. Ye yes no soto na ye. Akoti karabobele na lola. Kino na tangu ya kobongi sama makambu nyoso. Pela moko nzambe asila korobana minoko. Ya basa kulina ye basantu ya kana. Et le ministère de ce ministre. Musala ya basali wewe wana. Te, misala ya basali na ye musala. Tozola ndada. Tozola ndabia. Amen. Dans un cas, Père Branham était concerné dans ceci. Na mulka mbomo kobo ye, Père Branham est allé la kiye. Et dans l'autre ici. Na mulka mbomo kobo. Et le ministère pluriel. Pe misala. De ces ministres ya basali na ye. Prennent carrément la forme de son propre ministère. Qu'il avait ici sur terre. Pour enlever l'église entière. Là aussi Branham dit, je le crois de tout mon cœur. La première vérité qui était dite, il la croyait avec nous. Beaucoup d'entre nous croyaient comme ça. Le ministère singulier de Jésus-Christ s'est réincarné dans son église. Amen. Ya kolobete musalanga na ya Yesu Kristo e yapo mikofo misusukati na eklesia na yeye. Et beaucoup d'entre nous croient comme ça. Et frère Branham le croit avec nous. S'il ne le croyait pas, il aurait fait autre chose à ce sujet-là. Parce qu'après tout, dans cette vérité-là, c'est lui, William Branham, qui est concerné. Son nom, il sera mêlé d'une façon. Non, son nom, il sera mêlé d'une façon. Mais avant de dire ça, en novembre 1963, ici, il parle en 1962, attestant la présence du Seigneur Jésus, pour réveiller nos consciences, attirer notre attention. Vous savez qu'il a dit un jour, tout mon ministère consiste en une seule chose. C'est juste à dire que Jésus-Christ est ici. Tout son ministère ne consiste qu'à une seule chose. C'est de dire aux gens que Jésus-Christ est ici. Et si vous croyez, vous créez des miracles, des signes, il y a des prodiges, des exploits, il y a des expériences qui se multiplient. Vous savez, s'il est là et que personne n'attire votre attention, vous allez passer comme s'il n'y avait rien. Mais quand il y a un don qui est là, dont la particularité est d'éveiller votre conscience. Et dès que lui dit qu'il est ici, ça sonne autrement là. On dirait une cloche à frapper votre corps, et du coup un courant vous la traversez, et vous réalisez qu'il a dit vrai et qu'effectivement Jésus est là. Voilà pourquoi le sermon l'aveugle Bartimée a été aussi prêché plusieurs fois. Quelqu'un d'entre nous l'a-t-il déjà lu? L'aveugle Bartimée. Prédication de frère Branham. Je peux voir les doigts? C'est lui qui a déjà lu. L'aveugle Bartimée. Que Dieu vous bénisse et soit nous. C'est profond. Bartimée aussi était assis là. Il y a toute une histoire, mais on n'a pas les mots. Qu'est-ce qu'on peut dire en un mot? Il était assis à faire sa mendicité. À un moment, il a entendu un son. Jésus-Christ de Nazareth passe. Mais ce son-là était précédé d'un bruit. Il a entendu le bruit des pas et des murmures des gens. On dirait que c'était un marché qui se déplaçait. Mais quand il s'est renseigné, tout le monde s'est agité, et qu'on lui a dit, c'est Jésus-Christ qui passe. Oh, il s'est le fait. Il a abandonné son travail coutumier de magnifique. Jésus-Christ. Quelle agitation. L'arrière-pensée vient de l'expérience de l'aveugle Bartimée. Son inspiration vient de là. C'est ainsi qu'on dit Jésus dans le refrain. Jésus, écoute ma voix. Et en anglais, c'est Hear my humble cry. Entends mon humble cri. Bon, en français, on a dit, écoutez ma voix, mais hear my humble cry, mon cri d'humilité, comme tu avais entendu le cri de l'aveugle Bartimée, fils destiné. Et quand Jésus s'est arrêté, il lui a demandé, que veux-tu que je fasse pour toi? Et il lui a dit, je veux recouvrir la vue. Et il lui répond qu'il était soit fait selon la loi. Au même instant, les yeux se sont ouverts. Et puis c'est fini. Oui, c'est fini. Parce qu'il a pris conscience de sa présence. Et dès qu'il a pris conscience de sa présence, il n'a pas voulu rater l'occasion de se soulever. Il a crié à tout être. Prêt à défier quiconque. Il a bouché l'oreille à ses détracteurs. Il a eu gain de cause. Si tu fais de même, tu auras de même. Dieu fera de même parce qu'il est juste dans sa manière de réagir. Donc, si Frère Branham dit tout mon ministère consiste en ceci, ça veut dire que Jésus-Christ est présent ici. Ce qui ne comprend pas le tome en Gamobimba, et ça ne peut pas être le tome en Gamobimba. C'est de vous faire prendre conscience de sa présence. Et sa présence est bien présente. Oh Jésus, ta présence. Yesu, la vie et la paix. La paix dans la souffrance. Et la vie à jamais, chaque jour, à chaque heure. Oh, j'ai besoin de toi. Bien, j'ai ta main auprès. Oh, oui, chaque jour, à chaque heure. Oh, j'ai besoin de toi. Auprès de moi. Oh, j'aimais beaucoup chanter cette mélodie avec mon défunt frère Tubuku. Une voix angélique. Ah, quand on a accordé nos voix là. Seigneur, mais il est allé se reposer. La marche. Que Dieu soit loué. Ça m'a rappelé ça. Et merveilleux moment qu'on a passé autrefois là. Hein? Bon, on se mettait ensemble, on approche nos bouches comme ça. Hein? Nous mettons ensemble. Oh, c'est merveilleux. Gloire à Dieu. Hein? Quand on chante du fond du cœur avec conviction et volonté, ça vous fait vous-même du bien. Et ça apporte la louange de Jésus-Christ. Lui-même s'en glorifie et il en est. Il s'en réjouit. Il en fait la joie. Oh, j'aime ça. Alors on se mettait à répéter ce refrain presque indéfiniment là. Tellement c'était merveilleux et bon. Vous n'avez pas la volonté d'arrêter. Et puis chaque jour, tu deux heures carabouille. Maintenant, Nangamo Moko est talaki, Frère Branham. Mais Nangamo Moussous. Parce qu'il est ici, il est le même. Moi aussi, j'ai dit la même chose. Non, non pas de fanatisme. Ni par vaine répétition. Mais c'est par conviction. Et par expérience. Parce qu'il m'avait dit à ma voyant. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Et quand j'ai ouvert la Bible après avoir entendu cette voix, c'est le même verset que j'ai lu. Oh, l'auteur de la Bible vit avec nous. J'ai confiance qu'il est là. Amen. À portée de main, hein? Il est ministère de ses ministres. L'un d'eux doit être quelque part parmi nous ici. Amen. L'un de ces ministères, de ces ministres là, doit se trouver quelque part parmi nous ici. Amen. Alors, le ministère de ces ministres prennent carrément la forme de son propre ministère qu'il avait ici pour enlever l'église entière. Qu'est-ce qui conduira l'église aux promesses? Amen. Amen. Vous vous rappelez encore? Amen. Dieu suscitera un Éphésien. C'est le temps des Éphésiens. Ce sont des Josué des derniers jours. Pour nous amener à expérimenter les promesses. Oh, et les ministères de ces ministres prennent carrément la forme du propre ministère qu'il avait ici. Pour enlever l'église entière. Je le crois de tout mon cœur. On ne fait pas semblant dans ceci. Ouais. Les deux vérités vont de pair avec ce message. Frère Branham a sa part dans ça. Un rôle particulier qu'il a joué au temps de la fin. En rapport avec le plan de Dieu pour l'église épouse. Mais les autres ministères. Le ministre de ce Jésus-Christ là. Qui est présent en esprit dans l'église. Les ministères là également. Prennent carrément. La forme de son propre ministère que Jésus-Christ avait ici sur Pensez. Ça vous montre que les choses que faisaient les douze apôtres. Chassant les démons. Purifiant les lépreux. Ressuscitant les morts. Guérissant toute infirmité. Guérissant toute maladie. Et même discernant le secret. Ces choses-là vont se refléter à des degrés divers dans tous ces autres ministères qui sont dans le dessein de Dieu, prévu dans le plan de Dieu. Et c'est pour préparer l'église à son enlèvement. Bien-aimé, hier nous sommes exhortés autour d'une petite pensée. Voici comment prêcher le royaume de Dieu. Et Rabbanam nous a dit, c'est lorsqu'il a envoyé les douze apôtres. Que nous voyons. Amen. Quand il les a envoyés pour la première fois. Et nous voyons comment le royaume de Dieu doit être prêché. Ils avaient l'autorité de la foi. Pour chasser tous les démons. Je dis tous. Ça mérite d'être répété. Jusqu'à ce que le dernier des démons qui te dérange soit un enfant de Dieu, soit dehors. Tous les démons, nous avons autorité dessus. Toute infirmité. Toute maladie. Nous avons autorité. La mort elle-même et la lèpre. Cancer ne comptez pas. Cancer ne coûte pas. Dieu est en train de restaurer son église. L'église ne veut pas dire William Branham seul. Car le corps n'est pas un seul membre. Mais le corps de Christ, c'est plusieurs membres. Le même qui a traité avec Paul, C'est parmi les conditions pour l'enlèvement. Alléluia. Il doit rester au ciel. Yes. Jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Le prénom avait un ministère de restauration. Mais il avait son propre ministère, un ministère restauré. Qui a pu reproduire Jésus-Christ même dans les choses naturelles. Maintenant écoutez, ça, c'est plus les autres ministères doivent aussi être restaurés. Ils doivent se conformer au modèle. C'est une marche, c'est une progression. Voyez-vous que Dieu conduit merveilleusement les saints. Comme cela est dit dans les psaumes 34, reconnaissez que Dieu conduit merveilleusement ses frères. Il est présent en esprit dans l'église. Et aucune promesse ne restera sans effet. Aucune parole du Seigneur ne restera sans effet. Chaque promesse, s'accomplira. Comme on dit, la promesse dans le livre mienne. Et la cana et la canne sont à boucle et chaque chapitre, chaque verset, chaque livre. Et avec ça, je crois à son amour divin. Hein? Prends conscience. Dieu ne t'a pas appelé à des aventures. À des essayages. Il t'a appelé pour un but. Il veut t'enlever. L'église tout entière. Dans le monde entier. Doit être entretenu par des ministères de ces ministres. Et ça va être babongi sama. Non pas des prétendus serviteurs de Dieu, mais des prétentieux, mais des ministres à lui. Comme quand il est à Paris à Saul de Tarse, il l'a dit clairement expressément, je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et des choses pour lesquelles je t'apparaîtrai encore. Montrant qu'il travaillait avec lui. Nous voulons le même Jésus matin. Mais que ta vie aussi soit digne. Pourquoi bon parler du ministère, de son ministre, si notre vie vraiment, c'est la honte. Vous avez même perdu cette histoire. C'est une histoire de ministère. Juste à ce que nos vies soient réellement des vies chrétiennes. C'est que nos vies parlent plus que nos paroles. Et que les autres qui verront que nous sommes devenus le sel de la terre, des vrais hommes gentils chrétiens, des gentlemen chrétiens, ayant le fair play à l'enseignement, nous demanderons, mais vous, qu'est-ce qui vous rend un peu particulier? Je ne suis pas si particulier. Vous, des fois, ils iront jusqu'à sonder à distance et connaître où est-ce que vous priez. Et vous serez surpris, ils viennent envahir votre église. Ce que je vous dis, je l'ai déjà vécu. Montrez-nous ton église. La distribution est galère. Bon, Kimaka. Okima. Au cours de tout cas, vous voyez. Mais oh non, mais yo, vraiment, ma la pisson. Ok. Vous avez expérimenté vous-même. Avec la femme samaritaine, c'était ça. La foi de ceux-là qu'il avait attiré n'était plus fort à cause de ce que la femme avait dit. Mais ils l'ont entendu eux-mêmes. Nous aimons que chacun fasse l'expérience avec Dieu. Il faut que Dieu soit celui qui vous appelle. C'est une vocation céleste. Et des gens qui nous causent des scandales, qui nous cachent la tête et les oreilles. Autant la gueule bien, dès que tu as animé le message, on dirait à bien que ma présence en bête. Mais bon, tant qu'à ça comme frère, tout ça la vie. Nous devons nous supporter les uns les autres. Et comme Mukumba, tout ça la bonne. Ah, pitié. Que Dieu vous bénisse. On va continuer dimanche. Est-ce que c'est succulent? Vous allez boutamou. C'est très bon les choses de Dieu. Hein? Chacun à sa place. Mais les vérités qui vont de pair, nous n'allons pas les ignorer. Nous devons les intégrer. Nous devons les intérioriser. Nous devons les saisir à fond. Et les défendre avec force. Du mieux que Dieu nous aidera. Lève-nous pour la prière. Le cantique Hosanna numéro 56, priez toujours. Bon, là, page 21. Priez toujours, priez sans cesse, priez le Seigneur entendra et le fidèle à sa promesse. Priez, priez et répondez. Amen. Priez toujours, priez sans cesse. Priez le Seigneur entendra. Pour sauver les pères. témoignage, priez fort pour paix, Jésus. Priez comme bon, comme hésitant, venez pour choix, descend chaque, même à travers ma mère priante, Jésus vous tiendra, alléluia. Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous t'avons écouté et nous t'avons parlé. C'est pour nous un privilège, cette merveilleuse communion, de reconnaître ta sainte vocation adressée à nos âmes, pour nous séparer de la vie d'incrédulité, la vie de mondanité, la vie de souillure et d'impureté, la vie du péché. Tu as le pouvoir de délivrer les captifs, de libérer les prisonniers, de guérir les cœurs malades, les cœurs affligés, brisés et timides. Ta puissance est illimitée. Nous voici tous devant toi. Chacun dans ses réalités. Et nous ne t'apprenons rien. Tu connais tout Seigneur. Prends soin. Et pourvoir tes besoins profonds. Tu as entendu le cri de cœur. Entends nos humbles cris, Seigneur. Et manifeste la bénédiction de notre foi. Tu as l'apôtre. Et les souverains serviteurs honorent cette foi et rend-la inébranlable, infaillible, au nom de Jésus-Christ. Exauce nos prières, pardonne nos péchés, nos erreurs et fautes multiples. Nous ne sommes pas là pour nous justifier, mais nous réclamons la justification qui vient de toi. C'est toi qui peux pardonner et nous innocenter. Toi, Jésus, le divin modèle, rends-nous semblables à toi. Fais de chaque croyant une image de Christ. Aide-nous de vrais chrétiens, le reflet de la parole. Chaque jour, il passe. Bénis cette église et notre temps de séparation. Que tu accompagnes chacun. Tu les gardes en sécurité. Comme tu l'as toujours fait dans le passé. Car ils ne sont pas venus aux aventures indiques. Ni dans des bars et des péchés. Car si des gens qui vont se livrer à l'ivrognerie, ils retournent en sécurité chez eux. Comment penser que les enfants ne sont venus pour t'adorer soient exposés à quelconque danger? Non, Seigneur, nous croyons que tu es notre sécurité et tu soutiens le juste cause. Quand nous souffrons pour ta parole, tu es notre soutien, tu es le sponsor et le gardien de nos âmes. Que ton nom soit élevé, puissamment béni et sanctifié. Le nom de Jésus-Christ, notre Dieu vivant, nous prions ainsi. Amen. Veuillez vous asseoir. Et que Dieu vous bénisse. Zambé à Pambolabino.